Négociable ou c'est pas négociable, tu crois? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, bah écoute, réfléchis, Louane. Déjà, elle a pas raccroché Maëlle, hein. C'est déjà mieux qu'il y a deux semaines. Hein, il y a deux semaines, il y a eu un raccrochage en pleine gueule. Donc, il y a quand même. Non, je dis juste que là, il y a deux semaines, on avait fait la même chose avec quelqu'un d'autre qui s'est fait raccrocher au lait direct. Donc, tu vois, voilà, c'est pas complètement mort, visiblement, Maël. Bon, écoute, Maël, je te laisse avec Louane. Vous vous rappelez, vous parlez aux antennes, peu importe, faites ce que vous voulez. Et puis, bon, tiens-nous au jus, Louane. Oui, bah, Louane et Maël aussi. Tenez-nous au jus quand même. Ok, qu'on sache. Je verrai avec si elle veut bien, quoi, c'est tout. Bon, ben, juste nous dire, hein, on va pas. Juste pour que les auditeurs soient au courant. Bah oui, oui. Voilà, juste pour en savoir un peu plus, quoi, c'est tout. Après, on sait pas qui vous êtes, hein. Maël et Louane, on sait pas à quel bahut vous êtes, on sait même pas dans quelle ville vous êtes. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est 14 et 15 ans. Voilà, on n'est pas plus avancé aussi dans ça. Donc, bon, vous nous tenez au courant, on compte sur vous. Maël et Louane, gros bisous à vous deux. Longue vie à vous. Merci. Oui, voilà, c'est ça. Salut. Salut Louane, salut Maël, ciao. Merci, bisous. Bon, à bientôt. Et si vous avez aussi envie de faire une confession à quelqu'un, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 40 71 5000 ou vous envoyer un mail à amina@energie.com. Vous vous imaginez bien que, vu l'heure tardive de la confession nocturne, on peut également l'enregistrer en journée. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça en direct pour des raisons logiques, évidemment, de dodo, en fait, hein, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. amina@energie.com. Passez une bonne nuit. On revient demain en pleine forme pour la dernière de la semaine. Déjà, ce sera à partir de minuit sur Energie et on se quitte comme promis avec le son de Kygo tout de suite. A dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.

Tout le monde, vous êtes sur Energy, une belle nuit. On est là tous ensemble jusqu'à 6h, jusqu'au retour de Manu dans 6-9 sur Energy. Avec forcément vos hits préférés, on démarre la journée avec Clean Mandy, tu auras aussi Alice Merton, là tout à l'heure, nouveauté Energy. Donc Clean Mandy, Alice Merton, Camelon, et puis le meilleur de Guillaume Radio 2.0 sur Energy, écoutez. Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Allô ? Allô, Aline ? Oui, chérie, ça Allô ? Va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, bah, je suis dans la voiture, là, il y a Justine, elle est partie chercher les McDo. Du coup, je l'attends. Ah ouais? Et toi, tu fais quoi? Moi, je joue à un jeu avec des potes, là, tranquille. Ah, t'as ramené des potes, tu m'avais pas dit? Non, non, mais je joue en ligne. Ah, ok. Ouais. Bah, viens dans le lit, là. Ouais. T'es attends. Qui derrière? Non, mais ces personnes, là, je te dis, on joue, là, sur le PC, là. Mais si, j'ai entendu ça quelqu'un. Non, non, mais ça doit être le chat de mon PC, je te dis. Ouais, c'est bizarre, quand même, hein. Arrête, putain, j'ai pas les couilles d'aller faire. Non, mais quoi j'arrive, attends. Dans le lit, là. Putain. C'est qui derrière, Aymeric? Attends. Non, mais c'est une pote vite fait. Accroche. Aymeric, c'est qui derrière? Ça commence à me saouler, là. Mais non, mais c'est personne, t'inquiète. Y'a quelqu'un qui vient te dire, viens dans mon lit. J'ai pas rêvé, je viens d'entendre. Y'a vraiment une voix de table, c'est énorme. Mais attends, mais Tiffany, attends. Mais c'est qui la fille derrière? Non mais suce t'inquiète, pieds, c'est... Non mais vas-y, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça commence à me saouler? Donne à moi, c'est qui? Non mais c'est personne, c'est Tiffany, t'inquiète, c'est... Tiffany... Attends... Mais non mais... Laquelle? Ton ex? Je t'attends sous la douche, là, t'es pas toi, putain, il fait froid... Mais attends, mais elle saoule la... Mais c'est quoi cette voix de grosse pute? Ah non mais tu fous de ma gueule, t'as ramené ton ex dans notre appart? Mais non... Dans mon lit? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, elle me... J'étais toute mouillée, elle me rafraîchit. Quoi? Avec

symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is a repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, au cœur de la nuit, la voix préférée sur Énergie, en plein air sans pub en plus, c'est cool. On se fait Maître Gims là pour la suite, Alice Merton aussi, nouveauté Énergie. Il est de retour ce soir à 19h, ouais 19-22h tous les soirs sur Énergie, voici le meilleur de Koé. Koé, 19h-22h sur Énergie. Nous allons tester l'appel bip. Ouais. L'appel bip c'est simple, c'est quelqu'un de l'équipe et nous allons appeler quelqu'un, un professionnel. Et à chaque fois qu'il y aura un bip, la personne désignée devra changer. De comportement. De comportement. Par exemple, aujourd'hui, nous allons alterner de joyeux à triste. Okay. Par exemple, ah, je suis vraiment content de vous avoir parce qu'en fait, j'ai eu un décès chez moi à la maison. J'ai eu un décès chez moi, c'était mon grand-père. Mais on ne l'aimait pas, heureusement. Il y a quand même, vous voyez, il va falloir. Ah, c'est très chaud, hein. Là, ouais. Je vous l'ai fait comme ça avec personne au téléphone. Ouais, c'est super hein. Dur. C'est Pietre qui va commencer. Vas-y. Pietre, tu dois commander pour un mariage une pièce montée. D'accord. Tu commences, tu es joyeux. Ouais. Et ensuite, tu passeras à triste. Et ensuite, à l'autre bip, joyeux, triste, joyeux, triste. T'es prêt? Ok. Alors, il y a une boulangerie, je croise des doigts pour qu'elle marche. À Marseille, la boulangerie va chier. Excusez-moi, mais celle-là. On peut c'est, pas hey, l'inventer. Hey, il demande un gâteau. Va chier. Ah bon d'accord, bah il dit qu'il peut pas. Ah, boulangerie va chier. C'est à côté de la pâtisserie au l'inculé. Elle est bien celle-là, elle est sympa. Allez, on l'appelle, Pierre. On l'appelle. Je commence par joyeux. Ok. Et au bip, tu changes instantanément. Mmh. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame, je suis à la boulangerie. Oui. Ah, je suis tellement content de vous avoir. Voilà, alors, je vous explique. J'ai un heureux événement qui va arriver, là. Figurez-vous que bah, je me marie. Oh, et c'est merveilleux. C'est vrai. Bah ouais, moi, ça me fait tellement plaisir, en fait. Mais bon, voilà, j'ai besoin d'une pièce montée. Pour quand? C'est dans une semaine, je suis pas prêt, c'est l'enfer, ça va être insupportable. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Mais pour quand? Bah dans une semaine. C'est-à-dire le... Ah bah je sais pas, on est quoi? On est aujourd'hui, on est bah dans une semaine pile, enfin le samedi qui suit quoi. Oh, ah voilà, tellement... le samedi. Alors allez, je veux plein de trucs, hein, des choux, de la crème, des trucs de partout avec moi et ma femme au-dessus du gâteau, les mains dans la main. Ce oh, serait tellement magnifique. Alors ça sera le samedi 24, c'est ça? Oui, mais faites gaffe pour les personnages au-dessus. Là, ma femme est très moche et je voudrais pas que... Enfin voilà, faudra la rendre belle, mettre un personnage qui soit un peu sympa, quoi, parce que la pauvre bichette, elle ressemble à rien. Et, est-ce que d'ici, dans la semaine, vous pouvez passer? Quand excusez-moi là, mais je suis en train de réfléchir. Quand je pense que je vais me marier avec un ton pareil. Oh là là là. Je me sens pas. Mais bon, vous savez ce que c'est l'amour, hein. Donc on compte pas. Donc qu'est-ce que vous me disiez? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez passer pour passer la commande? Mais bien sûr, je peux. Je sais pas. On m'a pété ma voiture la semaine dernière. J'étais là à côté, j'étais garé là, ils m'ont tout pété, ils m'ont piqué les quatre pneus. Je peux plus. Mais bon, c'est pas grave. Je prendrai le bus. J'adore voyager les transports en commun. D'accord, parce qu'on prend les commandes pour les mariages, mais il faut qu'on voit quand même la personne. D'accord, mais pas de soucis, je passerai, enfin si je peux, hein, parce que j'ai une jambe de bois. Et c'est pas évident pour moi tous les jours de marcher. Hein. Mais bon, je viendrai, oui, je passerai. Mais bon, c'est pas grave, hein, et puis vous nous faites un petit prix, et puis on pourra le goûter ensemble, le gâteau. J'ouvrirai, je ramène du champagne pour fêter ça, d'accord? Ok. Super! Bon, enfin, du champagne, j'en prends du champomis, parce que c'est de la merde de champagne. Moi, je peux plus boire, je suis alcoolique. Mon médecin, il m'a un peu tardi de boire. Mais bon, on s'en fout, on a qu'une vie! Bien joué, mon Pietro! La boulangerie va chier! Boulangerie va chier! Coué, 19h-22h, sur Énergie. I've got

that trust is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just wanna sense it. Et plus de 5h sur Énergie. Bon réveil tout le monde. J'espère que ça va ce matin. C'est Cédric. On va se faire Ritza pour la suite. Les Daft Punk aussi là pour bien attaquer la journée. Et avant de le retrouver à 19h, on se fait le meilleur de Koé sur Énergie. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Moi j'ai été cambriolé une fois. Les mecs sont rentrés chez moi. Ils ne sont plus chez toi en fait. Ils n'ont rien volé. C'est très étrange d'ailleurs. Ils ont volé une montre alors qu'ils auraient pu voler plein d'autres trucs. Et après j'ai vu aux caméras de surveillance chez moi. Que c'était Jeff. Non, c'est glauque parce que tu vois les mecs chez toi, tu les vois rentrer. Ouais, il y avait mon chien, ils auraient pu lui faire mal à l'époque. C'est comme un viol hein, ça. Et ouais. En fait, ils sont restés 5 minutes. Tu vois la nana par les caméras qui gratouille le chien, puis ils partent et voilà. C'est très étrange. Ouais, ça va faire bizarre. C'est très étrange, vraiment. C'est un sentiment. Mais moi, et encore, je vous dis, ils avaient volé une montre. Bon, voilà, ils n'avaient pas volé. Ouais, ils auraient pu voler d'autres trucs. Bon, c'est bizarre. Pas des tonnes de trucs non plus chez moi. Hein, peut-être dérangé aussi. Toi, ma chérie, Mélanie, qu'est-ce qui t'ont volé tout ça alors? Bah ouais, est-ce que tu caritec, mes bijoux, enfin. Voilà quoi, surtout qu'on a de la valeur en fait. Les bijoux, il y avait quoi? Bah j'avais une bague de ma mère dedans. Ouais, c'est pire que tout ça. Ouais. Je crois que c'est ça le pire parce que les trucs encore qui se vendent neuf, là, t'as les factures, voilà. Tu te fais rembourser. Ouais. Les bijoux de famille, tout ça. Ce qui est sentimental. C'est un peu dur. Hein. Full sentimental. Tu peux aller prendre l'air, Maurice. Pardon. Tu peux aller chanter du. Tu peux aller chanter. Pas ça, tu peux aller chanter du Alain Souchon nu à la pleine lune. Il est un fond. Il est plus sexy. Ouais. Mais oui, il était plus sérieux. En fait, non, il faut que je vous explique. Maurice, les derniers mois, il a pas encore bien l'habitude d'avoir le micro parce que c'est un peu nouveau pour lui. Donc il est là comme ça. Puis une fois de temps en temps, il a une phase. Full sentimental. Il est très premier degré. Quand il chante la chanson, il est sérieux. Il était dessus. On est des fous. Non, j'étais dans un registre beaucoup plus raffiné. T'as arrêté en fait. Je me suis raffiné. Ah, t'as arrêté, tu t'es raffiné. Elle a les yeux révolvés. Elle a le regard qui tue. Tu vois, elle a tiré la première. Et c'est le plus jeune et c'est celui qui chante des chansons de vieux. Va au fond du couloir à Nostalgie, ils vont te kiffer. Hein. Vas-y. Hein. En ce temps-là, on a 20 ans. Excusez-moi, je suis désolé. On va essayer de le remettre à zéro. Je suis au quartier, je mélange Baudouin, Tropicana. Tu fais le mec de la street, mais t'appelles mon petit canard. J'aime les chats. Et c'est bon. Ça va mieux, Mélanie? Allez, on se retrouve demain. Mais non, ma chérie, raconte-moi un peu alors. Dis ouais. Qu'est-ce qui t'ont volé d'autre? Bah rien, mais non, en fait, j'ai peur de dormir chez moi en fait. Je suis vraiment pas bien, je me sens pas en sécurité. Mais le mec, il t'a laissé les clés avant de partir ou il est reparti avec les clés? Ouais, t'imagines, là c'est la tanasse quoi, c'est obligé de tout refaire toutes tes clés après, si tu les retrouves pas les clés. Ouais, mais au moins tu sais qu'il a pas forcé la porte, il est rentré avec des clés. Des clés donc tu changes la serrure T'as changé la serrure tout de suite? Non, pas encore, j'attends que. T'attends qu'il revienne. Bon, le mec il reviendra pas, de toute façon il y a plus rien à voler. Non, normalement non, mais. J'attends février. Mais quoi, une serrure de puissance ou quoi? La journée il vient. Ça se change dans la journée, dans l'heure une serrure? Bah ça dépend des serrures, il y en a, mais du temps. T'habites où? J'habite à Paris. Bien sûr. Les serruriers. Ouais, à Paris. Les serrures qui viennent dans l'heure, à mon avis, c'est ceux qui prennent 1000 balles. Je l'ai fait une fois, c'était 310 euros. Ouais, voilà. Minimum. Tu t'es fait cambrioler quand? Il y a 4-5 jours. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Quand même, je me suis fait cambrioler, les mecs ils m'ont changé la serrure dans la soirée. Ah, ils le font direct. Ah, bah oui. Mais moi, j'ai payé comme tout le monde, hein. Excuse-moi, ils m'ont pas fait de cadeau. Hein. Je sais pas combien elle gagne, combien elle. Ah, bah de toute façon, changer une serrure, c'est cher, mais l'assurance elle prend. Tu peux la changer tout seul aussi, la serrure. Non. Bah si. Oh, c'est tanasse, ah, ouais. C'est une tanasse, ouais. Ah, ouais. Bah, tu rajoutes un verrou, Ouais, tu peux rajouter un verrou, mais à l'intérieur, quand ouais, tu bah sors, ouais. Est-ce qu'on peut... tu mets du scotch. Tu mets un cadenas. Tu mets du scotch. Non, mais ma chérie, il faut que tu fasses quelque chose là. Ouais, non, mais je sais, mais de toute façon, j'ose pas trop retourner dans mon appart pour l'instant. Donc, j'ai pas envie d'y aller. Ça me stresse. Moi aussi, je me suis fait cambrioler. Bah, j'ai déménagé. Ouais, c'est vrai, ouais. À Boulogne, je m'étais fait cambrioler à Boulogne. Et ils t'ont pris ton piercing. Qu'est-ce qu'ils avaient volé? Non, ils avaient volé PlayStation, tout ce qui était high-tech, non, les parfums, même les lingeries. Non. Si, j'avais de la lingerie qui coûtait. Voilà, et ils me l'ont prise. Ah, ils ont pris le temps de. Et ils ont tout foutu en bordel. Tous les papiers, tout était en bordel, tout était renversé. Voilà. Ouais, ils ont pris le temps de fouiller, quoi. Voilà, les flics sont venus. Mais je sais que c'est horrible parce que les gens qui ont vécu ça. On rentre chez toi, il y a un truc qui est. Moi, ouais, ça me l'est arrivé dans une voiture déjà, même après rentrer dans ma voiture, j'étais pas bien. Voilà, bah moi c'était pareil. Alors, je rentrais chez moi. Je m'en bats les couilles. Ah, moi, ça m'est arrivé. Ah, ils... ah ouais. Moi, ça m'est arrivé, les mecs, ils avaient enlevé la vitre. J'avais un Range Rover à l'époque, ils avaient enlevé la vitre, ils étaient rentrés dedans, ils avaient forcé. J'en ai rien à foutre. Une voiture, je m'en fous. Oui, la voiture, c'est, mais l'appartement, c'est que... où tu dors. Si, même la voiture. Non, la voiture, c'est rien. Le scooter, mais voler un casque dans le top case, j'étais dégoûté. Mais moi, on m'a tout volé. On m'a tout volé. Bah, heureusement que t'étais dégoûté. J'avais l'impression d'être fait vraiment violer, tu vois. N'exagère pas. Eh mais on peut attendre des trucs de moins en moins gros. Ouais. On m'a volé mon hand spinner, putain. J'ose plus dormir et tout. C'est vrai que plus ça va, plus c'est cheap. Koué, 19h-22h sur Énergie. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.

sais quoi qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier. Car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller. Parce que une seconde loin de ses bras sommelier. Vous êtes sur Energy, bon réveil tout le monde. La track continue hein, tout à l'heure dès 6h. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Energy. Et vous allez trouver avec nous le fugitif Energy. Et pourquoi pas gagner jusqu'à 50 000 euros. C'est ce que je vous souhaite. Rencard chez Manu dans 6-9 sur Energy tout à l'heure. Non, c'est le meilleur d'émission. Derrière, c'est Imagine Dragons, c'est Louis Fonzi sur Energy. Manu dans le 6-9. Lisez les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Il y a Judith qui nous dit sur Facebook : j'ai une question pour les mecs de l'équipe. C'est nous. Ça veut dire quoi quand vous dites d'une fille qu'elle est mignonne? Ça veut dire, à défaut d'être belle? Ah, très bonne question, ouais. Oh. Alors j'ai une réponse. Ouais. En tout cas, c'est ma réponse à moi. Mmh. Mignonne, c'est plus jeune. Belle, ça va plus être cette femme est belle. Ouais. Elle est mignonne, c'est plus jeune, quoi. C'est, tu dis pas d'une femme de 45 ans, elle est mignonne. Tu veux dire, elle est belle. Voilà dans mon esprit. Belle, c'est vraiment femme, quoi. Ouais. Mignonne, c'est jeune femme. Enfin, voilà, je sais pas si c'est très clair. Oui, mais une nana de 30 ans qui a la trentaine, elle est entre femme et jeune fille, alors on dit quoi? Bah, il y a des filles qui seront mignonnes et d'autres qui seront belles. Ça dépend de si elle est fatale ou pas, quoi. Ouais, c'est ça, ah ouais, fatale. Et il y en a d'autres qui sont sympas. T'es vraiment un enfoiré. C'est différent. Ça, Nico, vraiment. C'est quoi, tu vas au coin? Ah ouais, tu vas au coin. Ah, oh, mais ça va, c'est sympa. Non, bah alors, c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Alors, tu vas au coin. Ah ouais, tu vas vraiment au coin. Il y a Gus qui nous laisse un message aussi sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. C'est une question. Tu te retournes, Nico. Okay. Ah, bah non, tu vas au coin, là, c'est pas possible. Bonjour, quel est votre fromage favori? Merci. Message de Gus. Bon. Quel est votre fromage favori? Écoutez, si ça peut te passionner, si ça peut t'aider, moi, je crois que mon fromage favori, c'est le reblochon. Ah. C'est pas qu'il est super bon, c'est que le nom est rigolo. J'aime bien le nom reblochon. Rianne, ouais, c'est pas très élégant, mais j'aime les fromages très forts, genre Roquefort, Camembert. Ah ouais. Ah ouais. C'est toi la fille dont Nico parlait, la sympa. Certainement, c'est pour ça que j'ai été consternée. Mélina est avec nous au téléphone. Bonjour Mélina. Salut Manu, salut à toute l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Mélina. Tu as eu un souci, un rendez-vous avec un mec. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, j'ai eu un petit souci. Attends, deux secondes, Mélina. Nico, au coin. Ouais. Oh, bah oui, tu es au coin, attends, t'es puni. Vas-y, Mélina, pardon. Donc, il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec un mec. Mmh. Et j'étais vraiment, vraiment stressée. Donc, le début du rendez-vous, il partait pas, mon stress. Donc, on a été au resto. Ça continuait comme ça, nos plats sont arrivés. Et là, sans savoir pourquoi, je suis tombée dans les pommes. Oh merde. Oh. Sauf que je suis tombée la tête la première dans mon plat de spaghetti. Mélina, la grosse honte. J'ai pris connaissance une bonne minute après avec le visage plein de sauce tomate. Oh, c'est dur. Horrible. Ça. Oh la vache. Je me suis levée, je suis partie. Ah, parce que ça aurait pu être touchant pour le mec. Ah ouais. Enfin, ah, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord, il était un peu en panique, quoi. C'était pas genre Grey's Anatomy, glandu. Ça m'est arrivé aussi, moi, un premier rendez-vous, j'ai fait tomber une fille dans les pommes, parce qu'en fait, j'ai saigné du nez, et elle avait la phobie du sang, et elle est tombée, elle s'est sentie mal. Non, mais sauf que Mélina, elle est tombée dans les pommes parce qu'elle était stressée du premier rendez-vous. Ouais. Là, elle est tombée dans les pommes parce que tu l'as dégoûtée, c'est différent. Oui. Et elle n'est pas restée non plus, c'est fou, hein. C'est fou, cette habitude que vous avez, vous les filles, à ne pas rester quand vous tombez dans les pommes. C'est incroyable. Mélina, je te souhaite plein de premiers rendez-vous un petit peu moins stressé que ça. Je t'embrasse très fort. Oui, j'espère, merci. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, pick me up.

raffiné. Elle est sexy raffiné. Sexy raffiné. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. C'est comment tu es assassiné. On s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté, j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre, je sais qu'il m'a conquise. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je m'en mordrai les doigts. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Elle est sexy raffinée. Sexy raffinée. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat. C'est comment tu es assassiné. Sur Énergie. Bon, on va tout le monde. J'espère que ça va vous tous. On va sur Calvin Harris là pour la suite. Calvin Harris avant de le retrouver en direct juste avant 6h. C'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Manu dans 6-9 sur Énergie. Quelqu'un vous a confié un secret en vous disant s'il te plaît, c'est mon secret, ne le dis à personne. C'était sans compter sur nous et l'autre côté voyeur. 0870 42 48, vous nous appelez et vous nous confiez un secret qu'on vous a confié. En tout anonymat, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur. Vous changez les prénoms, vous changez tout ce que vous voulez. Et on écoute le secret qu'on vous a confié. Karine, bonjour à toi. Salut les copains. Tu as une boule au ventre. Pas une vraie boule, c'était pas une boule de pétanque que tu as mangée. Tu as une boule au ventre parce qu'on t'a confié un secret qui est lourd à porter. On t'écoute. Oh oui. Ma meilleure amie m'a avoué en fait qu'elle trompait son copain avec son médecin traitant. Donc du coup, son copain croit qu'elle est hypochondriaque. Oh. Oh. Bonne excuse, tout le monde l'apprend. C'est terrible. Ah ouais. Mais nous ne sommes pas là pour juger, nous ne jugeons pas. C'est vrai que c'est dur de... Bon bah chérie, ok, va chez le médecin si tu te sens pas bien. Ouais. Dur, il ne sait pas ce qui se passe. J'espère qu'elle paye pas à chaque fois qu'elle y va quand même, quoi. Il la fait pas payer. Bah, si, honnêtement, si elle paye, le mec il a tout compris. Franchement, super héros le mec. Hein. Ça t'a fait du bien de confier ce secret que ta copine t'avait confié? Oui, beaucoup de bien et merci beaucoup. Eh bien, on est là pour toi aussi, Karine. Belle journée à toi. Sophie, bonjour. Salut, Manu. Sophie, toi aussi, tu as besoin de te soulager, tu as besoin de nous parler et d'avouer un secret qu'on t'a confié. Nous sommes là pour ça. Alors, ma mère m'a avoué récemment, en fait, qu'elle se levait la nuit quand mon père dormait pour aller dans la chambre d'Anis. Tellement il ronfle, mais il ronfle vraiment fort. Donc, elle met son réveil le matin, bien avant qu'il se lève, pour retourner dans son lit, pour pas, en fait, qu'il la capte. Oh, c'est mignon! C'est vachement mignon de faire ça. Alors, c'est un secret. Elle lui, rends-les compte, elle lui dit pas qu'elle se lève dans la nuit pour parce qu'il ronfle. C'est vachement mignon, glandu. Ouais, elle est bonne poire quand même, la maman. Ce serait plutôt l'inverse, moi je trouve. Mais c'est gentil, c'est vachement gentil pour son mari. Elle veut pas lui faire de peine. C'est un merveilleux sacrifice, c'est-à-dire qu'elle sauve son couple au détriment de son sommeil. Tous les soirs, elle a pas le droit de s'endormir avant que son mari ne s'endorme, et tous les matins, elle doit se lever aux aurores. C'est l'amour vraiment très très fort. Quoi. Alors qu'elle, se trouve, si elle ronfle, si elle a le malheur de ronfler une fois, il lui dit mais c'est pas possible. Parce que le mec, il ne sait pas qu'il ronfle. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Sophie. Belle journée à toi. Merci, vous aussi. Nous allons prendre Pauline maintenant, qui a un autre secret à nous révéler. Bonjour, Pauline. Bonjour, Manu. Qu'est-ce qui se passe, Pauline? Quelqu'un t'a confié un secret et c'est lourd à porter. Tu en as lourd sur la patente. Oui, oui, oui. En fait, moi, c'est un pote qui, en un mois, a réussi à coucher avec les ex de 3 autres de nos potes, en fait. Waouh! Je suis la seule qui est au courant. T'as un pote qui s'est fait 3 ex de ses potes. Ouais, c'est ça. Et je suis la seule qui est au courant. Et il a fait ça en un mois, t'as dit? Ouais, en un mois, ouais. Wow. C'est impressionnant. Attends, question. Il est pas médecin par hasard? Non. Non, bah non, parce que sinon, elle connaissait bien Karine, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Rianne? Non, mais à ce compte-là, c'est du fétichisme. C'est quand même très ciblé. Tu n'es excité que par les ex de tes potes. Il y a un sens de la compétition là-dedans, quoi. J'avoue. Il y a un côté. Il y a un côté quoi? Enfoiré? Non, oui. Je me disais bien que tu cherchais ça. Non, c'est ça, c'est mon enfoiré que je cherchais. Oui, bien sûr, on va rester là-dessus. Pauline, merci de nous avoir appelés. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Dès 6h. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it. Put some spotlight on the slide. Oh yeah, whatever comes, comes through. is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the liars. Cinq heures 55, les amis, soyez les bienvenus, vous en faites partie, nous en faisons partie, nous sommes tous là, ensemble, alléluia. Alléluia. Ah bah, voilà la motivation de la secte. Encore, ok, on refait. Bah, franchement, excusez-moi, c'est pas comme ça que je vais réussir à vous sortir de la thune de vos cartes bleues. Hein. Alléluia. C'est la moindre des choses. Nous en faisons tous partie du club du 555. Il est 5h55. On démarre l'émission dans 4 minutes. C'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, oui, le club du 555. On est là. Vous êtes là. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On s'écoute un titre avant de démarrer l'émission. Un titre qui va nous lancer la journée. Aujourd'hui, les amis, je vous annonce, j'ai un titre d'un groupe que même la maison de disques n'a pas. Ah bon? Ah ouais? Ah bah, c'est pas fort ou pas ça? C'est quoi? Je ne vous dirai pas comment je l'ai parce que... C'est illégal? Bah, non. Alors non, non, ce n'est pas illégal, figure-toi. Okay. Mais je ne balancerai pas la personne qui m'a donné ce titre. Ouais. Et elle me l'a donné en disant, tiens, cadeau pour le 555. Génial. Ouais. La maison de disques des Maroon 5 n'a pas ce titre. Vous ne le trouverez nulle part. Vous pouvez aller chercher, vous tapez sur Internet, vous allez voir sur YouTube, machin, il n'existe pas. Voici le nouveau Maroon 5. Wow. Je crois que le club du 555 est en train de passer à un niveau supérieur. Bah, oui. Ah ouais. Ça s'appelle Earth to Move. Voici pour vous, les amis, avant tout le monde, le tout nouveau hit des Maroon 5. Génial. Regarde Nico du Web qui est déjà sur Wikipédia en train d'essayer de le trouver. Cherche. Non, mais cherche, vas-y. Je vais le trouver. Je vais tu le l'auras pas. C'est le nouveau Maroon 5 pour vous. C'est ça aussi le club du 555. Bon réveil sur Énergie. Like a song you can't forget. So don't be so uptight. We can leave that. Cause it's the same thing that's on my